Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Ce soir, soirée Radio Mix Floor. Live, retransmise en simultané dans toute la France sur radiomixfloor.fr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Connexion. Let's go. Allez, bienvenue tout le monde, c'est parti, on vous en avait parlé dans le morning de l'été, c'était vendredi dernier, le Planet Mix qui commence ce soir avec un live de ouf, et c'est DJ Sev au platine jusqu'à 22h qui donne le coup d'envoi. On démarre cette première heure de son avec Eric Prydz, Opus ou encore Galantis qui vont débarquer, 20h tout pile, merci de nous écouter, où que vous soyez sur la première web radio Dancefloor de France. Bonnes vacances tout le monde. Radio Mix Floor Live. Au platine, DJ Sev. Thank you. Thank you.

Mixfloor Live. Au platine, DJ Sev.

Infos sur la page Facebook Top Sec Équipement. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is a new hit. Ici. New hit. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Radio Mixplore live. Au platine, DJ Sev. I'll house you.

soirée ensemble hein, si vous sortez faire la teuf avec vos potes comme Elodie de Bordeaux qui nous écoute en direct du camping. Un seul conseil, mettez le son de Radio Mix Floor et surtout choisissez bien votre Sam avant de partir. Nous on est là pendant les vacances et même le soir avec le Planet Mix jusque 22h jeudi jusqu'à la fin du mois. On fait la teuf avec vous, DJ Sam au platine, c'est maintenant sur la première web radio Dance Floor de France. Merci d'être là. Planet Mix, l'émission numéro 1 pour faire la teuf sur Radio Mix Floor. Planet Mix. We'll be right back. live. Au platine, DJ Sev. I'm sure you've had a lot of pain.

Planet Mix. L'émission numéro 1 pour faire la teuf sur Radio Miss Floor. Planet Mix. See him through the smoke, so hard to to be patient. And as I luck with mine, we running out of time. Can't let it go so easily. I wanna feel him breathe. I want his hands on me. You know that's just one thing I need. You know that's just one thing I need. You know that's just one thing I need. You know that's just one thing I need. Allez, à lundi soir dans toute la France, c'est le son de Radio Mix Floor qui résonne jusqu'à 22h avec le Planet Mix et DJ Sev au platine. Et puis du côté des messages, on a Gauthier de Paris, là, big up à toute l'équipe de Radio Mix Floor et à DJ Sev qui envoie du lourd. Et bien big up à toi poteau, restez branchés, nous on est ensemble jusqu'à 22h avec Timmy Trompette qui arrive sur la première web radio Dance Floor de France. Bonne soirée tout le monde. Très branché, Planet Mix, l'émission numéro 1 pour faire la teuf sur Radio Mix Floor.

só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor e um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Planète Mix de l'été, c'est fini pour ce soir. Retour de DJ Sev demain dès 20h en direct. Et DJ Sev qui est avec nous. Salut DJ Sev. Salut, salut. Comment s'est passée ta soirée alors? Impeccable. Impeccable, tu reviens demain dès 20h? Je reviens demain dès 20h. Dès 20h, donc en direct avec tous vos sons, Dance Electro remixés spécialement pour vous, auditeurs de Radio Mix Floor. 22h01, l'heure de vous laisser avec tous vos hits Radio Mix Floor. Et demain dès 10h, je serai en compagnie d'Alex, qui est avec moi d'ailleurs. Salut! Voilà, Alexis avec nous à partir de 10h, hein, pour vous réveiller avec le Morning Radio Mix Floor jusque 12h. Des infos insolites, l'horoscope, des infos people, bref, plein d'infos et de sons dance floor qui vous attendent demain matin. Restez là, tous vos sons préférés débarquent tout de suite. À demain tout le monde. Salut, salut. Salut, c'est Benjamin Braxton et vous écoutez mon nouveau single Ailleurs sur Radio Mix Floor. What?

should be. And we move it along forever. We're young, don't see any need to wait. When the world went cold, you are brighter than gold. Our feelings only escalate. De son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. You gotta trust me now. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. So many girls in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then she says, I'm here with my friends. She got me thinking, and that's when I say, where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at?